Que Dieu assurera comment la nuit va tourner. Tiens, reste de ta life, arrête de nous faire le king, king. Moi, je veux pas comprendre la vie, je ne sais, c'est. Dans la malle, ça me l'enchit, l'enchit. Est-ce qu'il va pas que mes téléphones, yeah. Ici, ça fait des millions dans la journée. Le soir au bar, tout le monde fait sa tournée. Que des Ashura, comment la nuit va tourner. Fais-toi discrète, ici tout le monde me connaît. Sac dans la malle, 100 000 en shit. Esquive la vague et t'es le chnine. Dégaine chnine, sors le pépé et on te hine. T'as mauvaise mine. A cause du shit, votre carré de bulle, rien que tu piave. La cocaïne, Marseille la nuit, j'entends la crime. Potentielle scène de crime. Chaque ruelle, style illégal, son dans les bars, pralia dans les bars, j'étais dans les cars, j'étais dans la merde, c'est vide à l'oca. À cause de la même, à cause de la merde. J'ai mort mes raps, ça. On se la pète pas, fais pas les gangs, ça. Tu la cause au costard. Entre la vie et la mort, y'a qu'un pas. Chez nous, on se met rap, ça. On se la pète pas, fais pas les gangs, ça. Entre la vie et la mort, y'a qu'un pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, je vais pas t'apprendre la vie, je le sais. J'ai grandi, j'ai vécu, pas eu le choix. Y'a combien de poteaux qui m'ont blessé. Toujours rien à faire, je me saoule le soir. Je pense aux frères en toile en chaîne qui voient des gueules au parloir. Je vois leur mère en crise, c'est pire que la mère à voir. Je vois sa douleur, mon frère. Tu parles trop de maléfique, nous on nie. Tu me parles de fesses de fric, t'as pas. Miss, tu m'attires, tu m'as l'air caline. Respecte-toi, fais pas le tapin. Commande à Soso, on est tard. Fin, faut viser la lune, garder la mine. Oui, d'enfant, je veux la thune. La Rolex, la bret ring. T'as rien fait de ta life, arrête de nous faire le king, king. King, king. King, king. King, king. King, king. Chez nous, on se met rapta. On se la pète pas, on fait pas les kings, là. Tu la costes au costard. Entre la vie et la mort, y'a qu'un pas. Chez nous, on se met rapta.